Alors pour ce premier cours, ce sur quoi nous allons nous arrêter, Inch'Allah, ce sont deux sourates qui sont extrêmement connues des musulmans, par la force des choses, d'une part parce qu'elles sont courtes, c'est-à-dire qu'elles viennent à la fin du Coran, mais également parce qu'elles sont centrales dans la compréhension fondamentale de la foi. Il y a dans un premier temps sourate Al-Ikhlas, c'est-à-dire celle de la pureté, de la sincérité absolue, c'est celle dans laquelle s'inscrivent les enseignements fondamentaux du tawhid. Donc c'est une première sourate, et que les savants, à partir de leur catégorisation, ont jugé comme centrale dans l'exposé de ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire l'unicité de Dieu en tant qu'il est Dieu. Et puis vous avez une deuxième sourate, très connue par tous les musulmans, et qui s'appelle Sourate al-Kafirun, trop souvent malheureusement traduite par l'idée des incrédules, des mécréants, ce qui est une erreur absolue. Ni le sens premier du texte, ni la terminologie coranique nous permet d'aller à une traduction aussi réductrice. Al-Kafirun, ce sont ceux qui sont des négateurs. En fait, l'idée centrale, nous l'avions vu dans des cours préalables les années précédentes, l'idée centrale, c'est qu'il y a dans le cœur de l'homme une aspiration vers Dieu naturelle et que celle-ci peut se voiler. Et donc, le voilement de cette aspiration vers ce qui nous pousse ou qui pousse tous les êtres humains au-delà des choses sensibles, eh bien, cette fitra, comme elle se traduit dans le vocabulaire coranique, peut parfois être voilée par différentes attitudes humaines, l'égocentrisme, l'amour de soi exubérant ou excessif, l'amour des biens de la terre, ce que nous allons voir là, le fait d'associer à son cheminement vers Dieu des éléments qui nous perturbent, eh bien tout cela peut faire en sorte que ça voile cet élément. Et dans le coffre, il y a l'idée de voile, il y a l'idée de cette peau qui couvre le noyau de la graine, la graine, le noyau, et qui empêche justement l'éclosion de ce qui elle regorge. Et donc ici il y a les négateurs au cœur voilé, cette traduction que j'essaierai dans la mesure du possible de systématiquement utiliser, parce qu'elle rend bien cette idée que el-kafirun, ce sont ceux qui nient l'existence de Dieu et qu'ils nient parce que quelque chose à voiler leur cœur. Alors, le plus grand des coffres, bien entendu, c'est la négation de Dieu, mais il en est d'autres qui sont de degrés différents et qui sont aussi liés au fait de nier, par exemple, nier le fait que le prophète, alayhi salam, soit le prophète, ou de nier des éléments qui ont été considérés par tous les musulmans comme des éléments de la foi. Donc, on a des degrés de coffres. Ici, celui dont on parle, c'est le kafirun. Dans le Coran, dans cette sourate, ce sont ceux qui nient Dieu, c'est-à-dire la plus grande des négations, la négation du Créateur.